Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'auteur de la Matinée des autres que nous allons entendre, René Bollinger, fut pendant des années la productrice d'une belle émission de radio sur France Culture intitulée « De bouche à oreille » et dans laquelle on dégustait des mets avec des mots. Ceux qui connaissaient l'émission ne seront donc pas étonnés d'entendre dans ce documentaire qu'elle enregistra en 1993 consacré aux fantômes, zombies et soucougnants la recette très précise qui permet de fabriquer des zombies. Prenez vite un papier, un stylo et notez. Comment fait-on un zombie? Eh bien, c'est simple. On peut prendre la recette donnée par René Despeyses dans son roman « Adriana dans tous mes rêves » où il a un chapitre, c'est à la page 96, où, qui s'appelle « Codex du faiseur de zombies » ou « Pharmacopée zombifère ». Il dit que la formule du poison à zombies la plus répandue faisait appel aux ingrédients suivants. Donc, vous pouvez le faire votre zombie vous aussi. Alors, voici les ingrédients. C'est extrait séché de crapaud de mer, vésicule biliaire de mulet, raclure de tibia de chien enragé, ossement broyé de jeune garçon, cartilage de poisson globe foufou et osselet de couleuvre pulvérisé dans un mortier ou à la meule avec des grains de tcha-tcha, de la sève de pois gras à gratter, du soufre en poudre et de quelques boules de naphtaline. Ce mélange était ensuite incorporé à une solution de clairin, qui est le rhum blanc haïtien, d'huile Parma Christi et d'assa fétida. La matinée des autres. Fantôme zombie, soucougnant. Par René Elkaïm Bollinger. Le zombie tel qu'il est connu dans la culture haïtienne, c'est un être vivant qui n'est plus lucide dans toutes les circonstances et à qui il est interdit certaines habitudes alimentaires pour qu'il ne reprenne pas tous ses sens. Il est dépouillé de ses sens. Et moi, j'ai vu une femme qui était zombifiée et à Port-au-Prince. C'était vers 83-84, enfin je ne veux pas vous dire de date précise. Ça avait fait un bruit dans la capitale et à travers tout le pays d'ailleurs. Et elle a été retrouvée et dans une ville de province ou peut-être à la campagne. C'est quelqu'un qui était mort, qui a été enterré et qu'on a revu. Qu'on a revu, je crois, dans un champ. Le zombie haïtien a une symbolique très forte puisque ce zombie était réduit à l'esclavage, en esclavage pour un maître qui le faisait travailler sur des plantations. Alors que le zombie antillien n'a pas, n'a jamais eu cette connotation symbolique de l'individu mort qu'on exploite à des fins de travail. Il est là tout simplement pour embêter les autres, les empêcher de vivre et les pousser quelquefois jusqu'à la mort. Ah ben je suis mambo, ça veut dire prêtresse vaudou. Je sais faire tout, je sais guérir, je sais traiter, je sais faire tout. Oui. C'est une rite de chez moi. Et en France, il n'y a pas de zombies? Il y a zombies partout. Il y a zombies partout. Il y a des morts partout. Ça dépend comment ils ont utilisé ça ici. Moi, je n'ai jamais allé au cimetière ici parce que je ne suis pas chez moi. Mais chez moi, j'allais au cimetière. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ah ben, j'allais faire de l'élimination et tout. Et il y a des choses, je ne peux pas vous dire, c'est mes affaires personnelles. Ça, c'est secret. C'est secret, c'est ça. Et des zombies, vous en avez vu? Oui. Comment ils sont? Eh bien, comme vous êtes là, les gens qui sont déjà morts. Vous voyez, si vous voulez, vous voyez une personne qui sont... Il faut faire quelque chose pour voir la personne. dit hey, cric, vous répondez hey, crac. Hey, mystic cric, vous répondez hey, mystic crac. Et l'histoire commence. Neveu, voilà une bien curieuse histoire. On dit que ce que l'on ignore est plus grand que soi. Si les histoires de zombies sont des légendes, heureux sont les peuples qui ont d'aussi grandes et vivantes légendes. Que ne pourra réaliser un peuple qui a du cœur et l'imagination aussi grandes? Si les histoires de zombies sont vraies, pourquoi voudrais-tu être le seul à en être certain? Je ne te le dirai pas. Si tu veux savoir, tu n'as qu'à te faire zombie. Il m'est arrivé, en promenant dans la montagne, d'apercevoir des espèces d'êtres complètement décharnés à la tombée de la nuit. Gérald Bloncourt. Et à la tombée de la nuit, et qui était là avec une houe à la main, et qui travaillait, et sans prononcer un mot. Moi, je leur ai laissé la parole, mais c'est comme s'ils ne m'entendaient pas. Ils continuaient à travailler, à piocher. Et mon père m'a dit que c'était des zombies, et les amis, les gens autour de moi me disaient que c'était ça, ce qu'on appelait des zombies. Et plus tard, bon, j'ai appris que les zombies, c'était des gens qu'on empoisonnait et qui mouraient, donc, enfin, qui donnaient en catalepsie toute l'apparence de la mort, qu'on enterrait, et ensuite les papalois, enfin bref, allaient les déterrer, les ramener à la vie, et ils devenaient esclaves, parce qu'ils avaient des maîtres. Et j'ai entendu dire aussi qu'il ne fallait jamais qu'ils goûtent le sel, parce que s'ils goûtaient du sel, ils pouvaient à ce moment-là reprendre conscience, etc. Bon, autant de choses que j'ai entendu dire, mais les zombies, je sais que ça existe, ça, j'en suis convaincu, mais j'ai vécu là-dedans, j'en ai aperçu, j'en suis persuadé, puis je le sais, il y a des gens qu'on a connus, que ma famille a connus, et qu'on a déclaré avoir été transformés en zombies. Gérard Aubourg, quelle est l'origine du mot zombie? Eh bien, le mot zombie vient de deux mots congolais. D'abord, nsumbi, qui veut dire diable, et un autre mot, vombi, qui désigne une personne dont le corps est privé d'âme, mais qui continue à vivre. Au sens vulgaire, haïtien, le zombie serait une âme errante, un fantôme. C'est pourquoi en Haïti, on dit aussi « viens, viens », comme on dirait ici à un enfant « viens, viens ». Mais le zombie n'est pas, par conséquent, une émanation irréelle de l'au-delà. Ce serait un défunt qu'un bon corps, c'est-à-dire un sorcier haïtien, aurait ranimé par suite de l'administration d'une potion magique. Alors, le mot « zombie », on ne peut pas s'arrêter seulement au mot. Alors, on peut se demander d'où cela vient. Vous savez, cela vient des États-Unis, à la suite de l'apparition du livre de Seabook, qui est paru aux États-Unis en 1928, qui s'appelle « L'île magique », et qui a été tout de suite traduit en France par Paul Morand. À la suite de quoi le zombie devient un personnage romanesque, cinématographique, mais seulement pour aller au fond des choses et trouver une dévoiler l'épaisseur historique, je pense qu'il faut interroger la philosophie, c'est-à-dire l'ontologie même de l'être haïtien qui, comme vous le savez, dont le substratum est le vaudou. Na songe, na songe, songe, dis-moi songe. le vaudou, c'est l'appel de la mambo Solange à la cérémonie du 1er mai. Le 1er mai, c'est une cérémonie du travail. C'est un esprit de travailleur. C'est comme si chez nous, on dit un esprit de travailleur, c'est ce qu'on appelle cousin Zaka. Cousin Zaka qui fait du jardin, un paysan quoi. Un paysan, on va célébrer ça ce soir. Alors on fait la nourriture, on fait tout pour donner de la force à les gens qui sont autour de moi. C'est sans payer, c'est gratuit. La personne, je dois faire une interpellation, je chante. Je chante le chant de cette cérémonie ce soir. Alors je vois un poisson là, un gros poisson. C'est quoi? Le poisson, c'est un symbole. Et c'est pour, comment on dit ça? C'est pour Aguetaroyo. C'est un esprit qui restait dans la mer. Ah oui, et à côté, il y a un plat de riz? Oui, il y a un plat de riz. Parce que chez moi, on fait ça pas comme ça, on fait ça dans un bateau. Mais comme je ne suis pas chez moi, je mets ça symboliquement et en dessous de la table. Et là, il y a un œuf dans de la farine. Oui, ça c'est pour Dambalawado. Alors, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a sur la table, hein, parce que moi, j'ai des choses à faire là. Madame, vous faites des dessins avec de la farine sur le sol. Je suis en train de dessiner ce qu'on appelle un vévé chez nous. Oui. L'emblème d'un esprit. L'image, quoi. On va faire une cérémonie, là. C'est pour accompagner le maître Zakamédé, quoi. Alors, ce sont des mots congolais. Et je vous signale que ces mots congolais, ce sont... dans le sud de l'Afrique, par exemple, dans le Bas-Congo, c'est-à-dire à peu près des Bantous. Tandis que la tradition du vaudou haïtien est plutôt une tradition d'origine dahoméenne, c'est-à-dire l'actuel Bénin actuellement, et d'origine yoruba, c'est-à-dire actuellement une partie du Nigeria. D'ailleurs, cette tradition se retrouve très fortement implantée au Brésil et à Cuba. Donc, dès lors, vous pouvez me dire comment se fait-il que si c'est le vaudou qui domine en Haïti, pourquoi précisément le mot zombie vient du Congo qui est à l'extrême opposé? Eh bien, la question est simple. Vous pouvez trouver la réponse chez Roger Bastide, qui écrit dans Les Amériques noires que certaines pratiques de sorcellerie en Haïti constituent une interprétation de la mythologie dahoméenne et faune et de Yoruba par la magie bantoue. Elle devra commencer la cérémonie par délibération, quatre points cardinaux et saluer le dieu des carrefours qu'on appelle Legba. C'est lui qui ouvre les barrières, c'est lui qui permet, c'est l'intermédiaire. Alors c'est seulement après que ce dieu-là soit bien salué qu'elle va commencer à chanter et à faire des incantations au dieu Asakamédé, qui est le dieu de l'agriculture. Là, il y a combien de dieux à peu près? On n'a jamais pu trouver un chiffre exact. On en a recensé, je pense, dans les 300 et quelques de dieux plus ou moins importants. Mais le panthéon plus classique, le plus important, c'est une douzaine à peu près. Glossaire. Baka, Esprit mauvais qui sert à protéger une propriété ou qui peut être envoyé contre un ennemi. Le baka se présente sous la forme d'un animal. Ah, baka. Baka, c'est peut-être qu'il est laid. C'est une personne hyper, très, très, très vilain. On dit, il est laid comme un baka. Un baka, ça peut être aussi méchant, quelqu'un qui est méchant ou son baka. Tu es un baka. Boko, magicien et guérisseur, servent pour le bien comme pour le mal. Le même terme est souvent employé pour le prêtre vaudou, le Ougan. Vous savez, on dit d'un boko, par exemple, qu'il a les deux mains. C'est-à-dire que la main bonne et puis la main méchante. On dit quelqu'un qui est d'un Ougan, qu'il a un boko, c'est qu'en plutôt il fait du mal. Des sounins, rite de dépossession qu'on fait à un initié après sa mort et parfois avant pour le séparer de l'esprit auquel il était attaché. Gros bon ange, un des deux principes spirituels de l'individu. Loa, esprit du culte du vaudou. Mambo, prêtresse du vaudou. Manger Loa, cérémonie en l'honneur des esprits. Unfo, temple du vaudou. Ougan, prêtre du vaudou. Petit bon ange, un des principes spirituels qui composent la personnalité individuelle. Potomitan, pilier situé au centre du péristyle et qui est le chemin par excellence des esprits. À le potomitan, c'est par ce poteau-là que tous les esprits arrivent. C'est au pied du potomitan qu'on jette de l'eau, qu'on commence à tracer les vévés. C'est l'antenne, là on est à Radio France. J'imagine qu'à Radio France, il y a une antenne pour les ondes, qui capte les ondes. Eh bien, le potomitan, si on peut l'expliquer ainsi, et c'est cela, c'est au travers de ce poteau, de cet élément du temple, que tous les dieux arrivent. C'est sacré, le potomitan. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je me rappelle des choses qu'on appelle les bakas. Les bakas, ce sont des espèces d'esprits qui peuvent se transformer en toutes sortes de choses. Et il y a des tas de légendes qui courent. On raconte une histoire qui me vient de Jacques Mel, d'ailleurs. Un type qui était un voleur de grand chemin, qui, quand il était poursuivi comme ça par la police, et s'échappait en prenant en changeant. Et par exemple, sous une forme de cigarette, il y avait un mégot, c'était lui. Quand on voyait un mégot, personne n'y faisait attention. Il s'est transformé. Et il avait aussi la faculté de se changer en certains animaux. Et un jour, il s'est transformé en cochon. Et en se sauvant, il a bousculé un prêtre qui s'appelait le Père Naël, qui était français, et qui marchait avec toujours une espèce de parapluie canépée. En fait, ça, c'est ce qu'on raconte. Et moi, j'ai connu le Père Naël, du coup, il s'est réveillé. Et c'est vrai qu'il avait un parapluie. Il était canépé, j'en sais rien. Mais en fait, ceci dit, il l'a bousculé. L'autre, pour se défendre, a donné un coup de parapluie. Et ça, c'est la canne, l'épée s'est dégainée et il l'a plantée entre les épaules du cochon. Le cochon est parti en faisant des cris. Bon, on n'a pas retrouvé le cochon, mais le lendemain, on a retrouvé le voleur avec l'épée du Père Naël plantée dans les épaules. Moi, je rappelle, j'ai appris cette histoire, j'avais 9 ans, ça m'avait complètement émerveillé. Bon, voilà quoi. Quelle est l'histoire du zombie? Eh bien, l'histoire du zombie est très simple. À partir de cette pluralité de l'existence de l'être haïtien, qu'il y ait de cette pluralité qui est constituée d'éléments périssables et d'éléments non périssables, eh bien, il se trouve que des personnes qui ont des pouvoirs en Haïti, qu'on appelle des bokors, qui sont des sorciers, ils ont la faculté d'utiliser leur pouvoir pour réveiller un cadavre et le réanimer. Gérard Aubourg. Par exemple, un individu s'est défini dans la culture africaine en référence à plusieurs éléments. Par exemple, au corps. Par exemple, à son destin. Par exemple, à son environnement. À son nom. Par exemple, le nom est quelque chose de capital dans les cultures traditionnelles africaines. Par exemple, le nom, il qualifie la personne. Le nom est conduite de la personne. Deuxièmement, troisièmement, le nom est une figuration symbolique. Et quatrièmement, le nom illustre. Cinquièmement, le nom qualifie. Donc, par conséquent, nommer quelqu'un, c'est et révéler son être. Non seulement révéler son être, mais c'est le contraindre à faire des choses, c'est le contraindre à certains états. Or, précisément, nous avons dit que dans l'histoire même de la zombification, il y a un phénomène qui est essentiel, c'est que le sorcier, c'est-à-dire le bokor haïtien, eh bien, pour pouvoir sortir la personne de sa tombe, il va prononcer son nom. C'est-à-dire, à partir du moment où il nomme cette personne, et si la personne répond d'une manière ou d'une autre à son nom, et à partir de ce moment-là, la personne est prise. Alors, pourquoi ça? Et c'est pourquoi on coud la bouche des morts pour éviter qu'ils répondent à leur nom. Alors, vous êtes à ce moment-là en plein dans comment les croyances deviennent des pratiques réelles. Par exemple, pour empêcher qu'on ne zombifie quelqu'un, c'est-à-dire qu'on sort le cadavre de sa tombe par l'application d'une potion magique, eh bien les familles, par piété filiale, vont prendre un certain nombre de dispositions pour empêcher qu'une personne meure, qui meure, ne devienne zombie. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous le dites, dans certaines circonstances, on va lui coudre la bouche pour qu'il ne réponde pas à son nom, qui révèle son être, donc par conséquent, il est à la disposition du bokor du sorcier. Mais il y a aussi d'autres situations. Par exemple, on peut tuer une personne une seconde fois en lui tirant une balle dans la tête. Alfred Metro, qui a écrit Le Vaudou haïtien, raconte comment son collègue Bernot a assisté à une cérémonie qui consiste dans une région d'Haïti à tuer une personne une seconde fois pour empêcher que cette personne ne revienne de sa tombe par suite de l'application de la potion magique du bokor. Par exemple, on peut mettre, la tradition veut, non seulement qu'on coud la bouche de cette personne pour qu'il ne réponde pas à son nom, mais on peut aussi lui mettre dans la main un poignard et le coucher bouche contre terre, de sorte que au moment de se réveiller, il puisse poignarder ou le sorcier qui vient le chercher. Ou bien il y a d'autres dispositions qu'on prenne. Par exemple, on peut enterrer cette personne avec du fil et des aiguilles pour qu'il ait une activité de sorte que qu'il n'entende pas la voix qui l'appelle, c'est-à-dire qu'il cite son nom, qui est, en citant son nom, mettre son âme à la disposition de cette personne. Mais pour expliquer ça et revenir à l'ontologie de l'être haïtien dont, je vous le dis, le substratum est le vaudou, il faut savoir que les Haïtiens en grande partie viennent de l'Afrique et que par conséquent leur culture étant traditionnellement une culture africaine, eh bien dans la tradition haïtienne, une personne a un gros bon ange et un petit bon ange. Alors l'action du sorcier va agir sur ces éléments. Le petit bon ange de l'haïtien, c'est l'esprit vaudou qui est dans son corps et qui est chargé de le protéger. Et le gros bon ange, c'est ce que vous appelez l'âme. Et c'est ce gros bon ange que le sorcier va essayer de capturer par des procédés de sorcellerie, ce qu'on appelle ici de sorcellerie. Et une fois que ce gros bon ange est à sa disposition, il va attendre que le défunt soit enterré et le soir, il se présentera au cimetière après avoir cité la personne par son nom, parce que comme nous disons, le nom est capital dans la tradition africaine. C'est très important, le nom de personne. En général, il y a des noms qui ne sont pas révélés, mais en révélant le nom de la personne a obéi. Ainsi, dans la tradition haïtienne, par exemple, si quelqu'un dans l'obscurité entend aujourd'hui même au moment où nous parlons citer son nom, il ne répondra pas. Ça, c'est sûr. Amos Kolange, musicien, musicologue, compositeur. On ne sait pas exactement la frontière entre le profane et le sacré dans ce style de musique parce que la formation instrumentale rurale s'appelle rara. Rara. Mais bien entendu, tous ceux qui participent à cette formation sont des initiés, sont des vaudoisans initiés, même les instrumentistes. Alors, quand on les voit dans les rues, on ne peut pas dire que c'est vraiment une musique cérémoniale parce que, par exemple, le premier morceau, ce qu'on écoute là, dans le texte, ils disent Gadon Rara, sémanté Gadon Rara. Ça veut dire voilà un groupe de Rara. Le Rara, c'est précisément cet orchestre rural de paysans où ils font des sonorités graves, ou si vous voulez, ils forment un trio, un quatuor de bambou qu'ils appellent aussi vaccine. Et aussi, ils ajoutent les sonailles, les trompes. Ils ajoutent les tambours, il y a au moins 5 ou 6 ou 7 tambours. Et la structure du morceau est simple. Il y a une reine chanterelle qui énonce une première phrase. Il y a un chœur à l'unisson qui répète cette première phrase. Et dans ce morceau, exactement, le texte est simple, c'est Gadon Rara. Sémanté, quel est ce Rara? C'est tellement bien ce Rara. C'est comme si on montait sur une bicyclette, d'après le texte. C'est-à-dire, quand je rentre dans ce Rara, ça me prend d'un point et ça me conduit à un autre point. Bien entendu, en dansant. Je me souviens, j'avais 8 ou 9 ans, j'ai entendu parler d'une histoire assez extraordinaire, d'une jeune fille de bonne famille, comme on disait, donc la petite bourgeoisie haïtienne, qui avait été transformée en zombie, et qu'ensuite on avait retrouvée, et qui avait été envoyée en Europe, où on l'avait un peu dézombifiée, et elle était devenue bonne sœur. Je ne me rappelle plus le nom de la famille, mais c'était des gens que je connaissais, c'était des amis de ma famille. Est à mon chevet. Maintenant, je me rappelle. On m'a retrouvé un jour devant le cadavre du vieillard sinistre. Mon fiancé m'a regardé et s'est tu. J'étais une zombie. On m'a amené au-delà des océans, dans ce couvent de pierre, dans ce pays où il n'y a pas de soleil. Mère supérieure me regarde, me caresse le front et me dédie son éternel anti-sourire. Mais je ne suis pas une nonne. Je ne veux pas épouser l'époux céleste. Je ne veux plus être une zombie. Je ne suis pas une nonne. Je crois que mon époux reviendra un jour. Il ne peut pas ne pas entendre mon appel. Il m'a aimée, il m'aime, il doit m'aimer. Un jour, l'amour triomphera en son cœur. Il viendra alors m'arracher à cet hinterland sans couleur où je végète entre deux contrées. Je le crois. Un jour, il se ressaisira. Il ne pourra pas vivre tant qu'il ne m'aura pas délivrée. Ne demeure dans le couvent que celles qui n'ont connu que le faux amour. Moi, je me suis approchée de lui comme on s'avance vers un prince. Sœur Églantine, écoute à la porte de ma cellule. Sœur Chantal est peut-être heureuse. Moi, j'attends. J'attends patiemment. La pendule précipitée égrène sur la table son interminable rosaire. Ce soir, je taperai ma cuillère d'argent contre l'anneau d'or que mon époux m'a donné. Romancero aux étoiles, Jacques-Stéphane Alexis. complètement pétri par toutes ces histoires de baka, de démons, de zombies et toutes les histoires aussi impossibles qu'on racontait. Bon, bien sûr, j'étais dans un milieu profondément laïque, donc je n'étais pas croyant, quoique, bon, on a été élevé au petit séminaire, au collège Saint-Martial, comme la plupart de ma génération, ou alors chez les frères Saint-Louis de Gonzague, on a fait notre crise de mysticisme à un moment donné, on voulait tous partir, et aller en Afrique, soyez les lépreux, etc., etc. On a fait notre crise de mysticisme, mais enfin, j'étais profondément laïque, et donc je n'étais pas croyant comme ça, à croire de toutes ces choses. Mais enfin, je sais que ce sont des choses qui existent. Le vaudou, c'est... Est-ce que c'est une religion? Je pense que c'est une religion. On peut dire que c'est une religion. C'est avant tout, à mon avis, une philosophie, une façon de prendre la vie. Bien sûr, il y a aussi les sacrifices humains, les cabrites sans cornes, comme on disait. Ça a existé, c'est certain, c'est sûr. Bon, ça a été combattu, bien sûr. Quand il y a eu l'occupation américaine, on a fait la chasse à ces choses-là. Mais les sacrifices continuent sous d'autres formes. Et les fameux cabrites sans cornes, qui étaient les êtres humains, maintenant ce sont les cabrites qu'on sacrifie, ce sont les coqs, etc. Ça continue avec toutes les traditions. De boire le sang pendant qu'il est chaud, il y a le tambour, il y a l'alcool, il y a les danses, etc., avec ces prises de possession, ces transes, quoi. C'est une religion, c'est une religion, avec les limites de toutes les religions. Jean Métellus. C'est une religion monothéiste, par exemple. Il y a un Dieu, il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs intercesseurs auprès de ce Dieu. Les lois. Il y a les lois. Mais les lois, c'est l'équivalent des saints de la religion catholique. Et le vaudou, c'est quelque chose d'assez global. Le vaudou arrive à un petit peu phagocyter la religion catholique d'une certaine manière. Parce que dans le vaudou, il y a pratiquement tout l'acte de la religion catholique. Sauf que c'est pas fait par des prêtres blancs, mais c'est fait par des Ongans. Mais vous savez, si... c'est une chose que je dis volontiers. Vous savez, en Haïti, où vous êtes sûr d'avoir la photo d'un pape, c'est dans un temple du vaudou. Dans tous les temples du vaudou, il y a une photo de pape. Je ne sais pas pourquoi. Et tous nos lois, tous les dieux du vaudou ont leur équivalent dans la religion catholique. Par exemple, la Sainte Vierge, c'est Erzuli. C'est une très belle femme, Erzuli, dans la religion du vaudou. C'est une... Et puis, le dieu de la guerre, qui s'appelle Ogun Petro, eh bien, c'est Saint-Jacques. Et toutes ces lois ont leur équivalent dans la religion catholique, sauf bon, certaines pratiques catholiques qui n'existent pas, par exemple l'hostie, le ciboire, etc. Mais dans l'ensemble, c'est une religion assez bien structurée. Il y a deux imaginaires qui se partagent l'être haïtien, l'imaginaire chrétien et l'imaginaire vaudou. Alors, vous imaginez que depuis 1860, c'est-à-dire depuis la signature du concordat entre l'État haïtien et le Vatican, l'Église catholique devient la religion officielle d'Haïti et le vaudou n'est pas reconnu. Or, le catholicisme, c'est la religion de l'élite urbaine, alors que le vaudou, c'est l'ontologie du peuple haïtien qui a un aspect religieux. Donc, il est inutile de vous dire qu'il y a historiquement une bataille entre ces deux conceptions sacrées pour la domination du pays. Et c'est dans cette perspective, à la suite d'ailleurs, de toute une série de luttes entre ces deux sacrés, le catholicisme d'un côté, le vaudou de l'autre, qu'est arrivée la campagne antisuperstitieuse de 1940 qui va entraîner la destruction de beaucoup d'objets de culte. Et je signale à votre attention que précisément, si François Duvalier naît à la conscience historique en Haïti, c'est parce qu'il s'était engagé dans cette bataille, mais du côté des Vaudouisans, pour défendre ce qu'on appelle la culture haïtienne. Le vaudou, finalement, a subi un certain nombre de vicissitudes. Enfin, il s'est passé des choses, historiquement. Et quelles ont été les étapes de ces aventures du vaudou? Eh bien, les aventures du vaudou en Haïti, c'est une affaire grandiose. D'ailleurs, vous savez que plusieurs ethnies africaines sont arrivées en Haïti. De sorte que, actuellement, nous, en Haïti, on ne peut pas parler comme d'autres de purification ethnique. Ce serait franchement une chose impossible. Parce que c'est toute l'Afrique qui est arrivée en Haïti. Et comme vous le savez, ces Africains ne parlaient pas la même langue. Et ils avaient chacune leur culture, d'une part. D'autre part, vous avez d'un autre côté les Blancs européens qui sont arrivés dans la colonie. C'est-à-dire qui était Haïti, qui était à cette époque la colonie française de Saint-Domingue. Donc, il va y avoir des luttes entre les Blancs et les esclaves. Et à travers ces luttes, les esclaves ont utilisé leur culture, le vaudou, qui a été interdit dans la colonie. Donc, par conséquent, les esclaves, pour pratiquer leur culte, c'est-à-dire l'aspect religieux du vaudou, eh bien, ils vont faire semblant d'admirer les saints du christianisme. Voilà pourquoi à chaque dieu du vaudou est superposé un saint du christianisme. Par exemple, s'agissant de l'indépendance, le dieu de la guerre haïtien, c'est Ogun. Eh bien, dans la culture chrétienne, c'est Saint-Jacques le Majeur. Alors, le vaudou va jouer un rôle capital d'abord dans l'indépendance nationale. L'indépendance nationale d'Haïti va commencer par une cérémonie, la cérémonie du bois caïman. Et c'est un acte fondateur. Un acte fondateur, et, par exemple, on peut penser à Moïse recevant les tables de la loi dans la culture judaïque. C'est un acte fondateur. Ça a été contesté, non, cette cérémonie du bois caïman? Mais bien sûr, on veut toujours contester, parce que ceux qui contestent, ce sont ceux qui parlent, c'est-à-dire les intellectuels qui écrivent. Mais imaginez-vous une masse d'esclaves qui est partout dans les campagnes, dans les mônes, et qui se livre à ses pratiques, à ses réalités, et qui n'écrivent pas. Et puis de toute façon, comme je viens de le dire, ce secret, il y a le secret de l'initiation. Parce que quelqu'un, puisque on peut fabriquer un zombie en exerçant une influence sur le nom d'une personne, donc par conséquent, il n'est pas question, c'est pas un livre révélé, comme dans la Bible ou dans le Coran, le vaudou n'est pas un livre révélé, c'est pas un système de révélation qui aurait été transmis par Dieu à une personne qui serait Allah ou Jésus-Christ qui serait revenu. Non, et je vous l'ai dit, et dans le vaudou, chaque chose existe. Il ne viendrait pas à l'idée, par exemple, d'un vaudouisant de poser la question que Lamartine se posait, objet inanimé, avez-vous une âme? Absolument pas. Et chaque élément existe et se disperse dans le cosmos. Maxime Dumont, conteur haïtien. Moi, j'ai été initié au conte par ma grand-mère qui était conteuse et qui nous racontait des histoires, et entre autres, l'histoire de ce roi et quand son frère. Le roi quand son frère qui était un homme riche, qui avait des terres, des propriétés à perte de vue. Et ce roi quand son frère avait beaucoup de femmes aussi, beaucoup, de nombreuses femmes. Puis un jour, il était à cheval, tacatap, tacatap, tacatap, tacatap. Il faisait la tournée de ses propriétés et son cheval l'a conduit sur un chemin. Et au détour de ce chemin, qu'est-ce qu'il voit? une jeune fille qui devait avoir 16 ans. Elle était belle. À demi nue, elle venait de sortir de l'eau. Et puis, des gouttes qui perlaient sur sa peau couleur tabac. Et puis, ses deux seins, comme deux caïmites, mûris à point et prêts à croquer. Et le roi ne put s'empêcher quand son fils fonça sur la jeune fille. La prit en croupe. La jeune fille se débat, elle pleure, mais rien à faire. Il conduit la belle Simbi dans son palais. La jeune fille pleure. Eh bien non, il l'enferme dans une très belle chambre avec une gamelle remplie de cassave, d'avocat que la fille puisse manger. Et en se disant que, comme ça m'est arrivé avec les autres concubines, peut-être que demain matin, la nuit porte conseil, elle se jettera elle-même dans mes bras. Mais le palais comprit au petit jour, vu le visage de la jeune fille, que c'était fini, rien à faire. Elle veut s'en aller, elle veut partir. Et quand son frère dit non, il faut qu'elle reste. Je l'aime trop. Cette fille que tous les hommes voudraient avoir dans leur lit, cette fille extraordinaire, Simbi la belle, je la garde. Mais il n'a pas le temps. Il a trop de choses à faire pour veiller sur Simbi. Alors il pense, il n'y a qu'une personne capable de me rendre service, capable d'assumer ce service. C'est Drivéus, un serviteur en qui vraiment il a confiance. Ça faisait 20 ans qu'il était dans le royaume. Il y est rentré à l'âge de 10 ans et il avait 30 ans à l'époque. Mais Drivéus est un homme comme tous les autres, on ne sait jamais. Il sera peut-être séduit. Alors qu'est-ce qu'il fait quand son frère? Le soir même, il fait venir des concombres zombies, de la poudre de crapaud. Il fait venir plein de choses, il prépare une potion. Et il laisse tomber tout ça dans une bouillie de maïs. Drivéus aimait la bouillie de maïs. Ça, quand son frère le savait. Et il mange sa bouillie de maïs avec un appétit à nul autre pareil. Mais... Le lendemain, Drivé se réveille. Drivé a une voix nasillarde. Drivé Yussel hébété. Drivé Wanwanan. Drivé Wanwanan. Et quand son fait, dit à Drivéus, ton travail est de veiller sur la belle Simbi. Et ils commencent. Ils commencent leur vie de tous les jours ensemble. Quand on s'en fait sortir faire sa politique, Drivé est là, à côté de Simbi. Simbi regarde ses dents. Simbi aime les dents blanches de Drivé. Drivé aime les yeux. Il aime les seins de Simbi. C'est lui qui la baigne. Mais il remarque que les moments les plus favoris de la jeune fille, c'est quand elle prend son bain. Quand elle est dans l'eau, elle est ravie, elle est contente. Zambi mon mona oui wa kimbeti poulet oui wa bali la bassette oui wa. Simbi avait remarqué. Elle avait remarqué qu'il y a un endroit précis où quand son frère avait caché un certain nombre de choses. Un soir où le roi était parti, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la chambre et elle découvre des cheveux, des bouts d'ongles qui ne pouvaient qu'appartenir à Drivé. Et surtout, du sel, un pot de sel, puisqu'il avait interdit quand son frère de mettre du sel dans les nourritures de Drivé. Un zombie qui mange du sel revient à l'état normal. Il était interdit dans le palais de mettre ne serait-ce qu'une pincée de sel dans les plats de Drivé. Hop! Simbi prend tout. La mèche de cheveux, les bouts d'ongles, du sel surtout. Et il tend la main à Drivé. Il mange le sel avec un appétit de diable. Et là, c'est une course. Ils s'en vont. Et quand son fait découvre les amants qui partent, qui s'en vont, qui prennent la fuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Zombie, manan, oui, wa, kembeti, poulette, oui, wa, bali, la, bassette, oui, wa. Le roi prend son cheval quand son frère. Il prend le cheval, il part après les amants. Et il les découvre au détour du chemin où il avait découvert Simbi sortant de l'eau. Simbi plonge dans l'eau. Driveus la suit. Longtemps après, quand son frère revint sur les lieux, espérant voir sortir de l'eau Simbi, mais rien ne fut. Simbi était parti loin, loin, sous l'eau, avec son amant préféré, Zombie Drivé. Jean Métellus, dans votre recueil paru en 1992, Homme de plein vent, il y a un poème intitulé Zombie, et vous dites « Le zombie est né des plantations de canne à sucre ». Alors, est-ce que cette nouvelle créature, c'est l'esclave ? Le zombie, c'est un exécutant, c'est un homme qui n'a plus la possibilité de prendre des initiatives. Il est fait pour obéir uniquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on zombifie un être, on le zombifie pour qu'il soit à disposition à n'importe quel moment. Dit-on, parce que personnellement je n'ai jamais vu de zombie, je connais le phénomène et on en parle beaucoup dans toute la littérature et dans la vie de tous les jours, ce n'est pas rare qu'on entende dire de quelqu'un qui est mort, oui, il était apparemment mort, mais actuellement, c'est un zombie qui travaille sur telle ou telle plantation. Quand on est zombie, on doit obéir, on est fait pour ça. Il y a, en pathologie, qu'on connaît dans tous les pays du monde, une maladie qu'on appelle, qu'on baptise un ictus amnésique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a perdu la mémoire de façon aiguë, mais totalement pendant de quelques minutes à quelques heures. Mais cette personne peut recouvre après la mémoire. En ce sens, on peut comparer le zombie à quelqu'un qui a eu un ictus amnésique, c'est-à-dire une perte aiguë de la mémoire, une perte totale avec effacement des 10 heures qui ont suivi l'accident. Mais il retrouve la mémoire. En ce sens-là, le zombie peut être comparé, effectivement, à quelqu'un qui a fait un ictus amnésique de 12 heures ou de 24 heures et qui recouvre la mémoire. Il retrouve la raison. Il retrouve tout. Il retrouve tout. Il retrouve tout. Et un zombie, par exemple, si on poursuit cette logique, entre guillemets, un zombie peut recouvrer totalement la mémoire si la drogue n'a pas été trop importante. Mais il semble que, alors si on a dépassé la posologie nécessaire pour tuer quelqu'un et pouvoir le réveiller plus tard, ça peut bien se concevoir que la personne a absorbé un surcroît de drogue, eh bien, alors, au lieu d'avoir un ictus avec une régression complète du trouble, la personne peut saccager son cerveau de façon plus importante et sortir diminué avec des troubles mentaux. Le zombie, ça convient tout à fait à un certain aspect de la culture haïtienne, dans la mesure où la plupart des Haïtiens, pendant longtemps, étaient zombifiés. Quand on était esclave, on était des zombies, pratiquement. Bon, il y a eu l'indépendance, mais depuis l'indépendance, Haïti a connu beaucoup de soubresauts, beaucoup de misères. Et je crois que c'est à cause de toutes ces misères que ce phénomène de zombie reste aussi important dans notre culture, dans notre univers. Trop souvent, on nous a empêchés de parler, par exemple, pas seulement nos chefs d'État dictateurs comme les Duvalier, mais l'étranger également. Et on a été souvent censurés dans l'histoire, dans notre histoire de pays libre. Et je pense que c'est en grande partie à cause de toutes les misères que nous avons connues, à cause des impérialismes successifs qui se sont succédés en Haïti. Et je pense que c'est ça qui fait que le phénomène du zombie est si important dans notre univers. Le zombie était le bélier de l'avenir. Et sa femme, boursouflée d'ombre, suppliciée dans l'incandescence du sexe, crucifiée dans sa progéniture, lampait la coupe de la détresse en apprenant l'alphabet. Jean Métellus. Donc finalement, c'est la révolte qui s'oppose à la zombification. C'est la révolte, et quelqu'un qui est zombifié, en général, ne peut pas s'en sortir seul, en tout cas d'après ce qui circule à propos de ce phénomène de zombification. Seul quelqu'un d'autre peut l'en tirer. Mais il y a de grands mouvements de révolte comme ceux que nous avons connus en Haïti à certains moments, 1934, quand on a pu faire partir les Américains. Et puis, mon Dieu, 1986 également, qui est le départ de Jean-Claude Duvalier. C'est un peuple qui s'est révolté, qui s'est dépouillé de ses attributs de zombie. Il est devenu libre. 1986, c'était un grand mouvement de révolte qui a fait partir Duvalier, qui a dézombifié un peu le peuple haïtien, un peu. Amos Coulange, ce qu'on entend en ce moment, ça parle de quoi? Ça parle de cimetières et aussi des morts qui sont soi-disant enterrés dans ce cimetière. Et d'après la chanson, ils disent que ce n'est pas le bon Dieu qui les a mis, là, ces morts-là. Donc ce n'est pas le bon Dieu, ce sont les humains qui les ont mis. Et comme on sait qu'en Haïti, il y a une pratique, on dirait esclavagiste, quoi, de tuer un ennemi et ensuite de le faire revivre afin qu'il puisse travailler dans les champs. Donc on pense que c'est encore un réflexe colonial, parce que un colonial mais mélangé avec du mysticisme. Donc ce morceau envoie vers à cette pratique du vaudour qui consiste à créer des zombies. Les gens qui peuvent tuer un être humain et pour en faire un zombie, eh bien, ce sont des gens qui ont la maîtrise de la pharmacopée du prêtre vaudou, du Ungan. Parce qu'il faut, et bien sûr qu'il y a de la sorcellerie dans tout ça, mais à la base de cette sorcellerie, ce qui rend cette sorcellerie possible, c'est l'utilisation de certaines plantes que ces prêtres du vaudou connaissent. Moi, j'habitais à Kinskoff, à La Boule, en Haïti. Il y a certaines plantes auprès desquelles on ne peut pas rester trop longtemps, comme ça s'appelle caprice. Et même, on ne peut pas en placer son lit, même à l'intérieur de la maison, placer son lit trop proche de la terrasse où cette plante pousse. Ah bon, parce que ça fait dormir un peu plus, ou ça fait... C'est toxique, ça ramollit un peu les nerfs. Donc, ce sont des plantes courantes. Maintenant, il y a toute une pharmacopée africaine qui est arrivée en Haïti avec... de toute façon, les paysans haïtiens, ils se nourrissent de plantes, ils se traitent avec les plantes, ils tuent avec les plantes, donc ils connaissent les plantes parfaitement. Sachant qu'en Haïti, on forme à peu près 80 médecins par an et tous, ils partent, ils vont aux États-Unis. Et donc, les paysans, ils se soignent avec des plantes. Donc, ils connaissent vraiment les plantes, c'est pas une blague. La médecine, on dit médecine feuille en Haïti, c'est sérieux. Donc, ce savoir, même quand on est en ville, on a la possibilité d'aller à l'hôpital ou dans une vraie clinique, on en bénéficie aussi de ce savoir des plantes. Parce qu'on a une petite grippe, on fait une petite tisane avec telle plante, chou black ou languichat ou liane molle ou sewell. Et il se trouve que deux, trois, un jour après, on n'a plus la grippe. Ou bien pour les histoires de vers, de trichines, de vers, de problèmes intestinaux. Encore des plantes. Donc, pour les plantes toxiques, oui, les datura, et aussi des animaux, des poissons, des foufous, on en parle, on crée des zombies. C'est des légendes, vous considérez ça comme des légendes? Bon, comme dans la foi protestante, les gens, quelquefois, n'ont pas le droit de mentir. Quand j'étais jeune, je pensais que c'est pas des légendes, que c'était vraiment une situation réelle que la personne qui témoigne avait vécue. Et que je croyais que c'était vrai. Nous avons un article du Code pénal de 1961 qui concerne la situation dont il est question ici, à savoir où est le cas des zombies. Et cet article, qui est l'article 246, nous dit « est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites, est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne par empoisonnement, l'emploi qui sera fait contre elle de substances qui, sans donner la mort, auront produit un état léthargique, plus ou moins prolongé de quelque manière que ces substances aient été employées, et quelles qu'en aient été les suites. Si, par suite de cet état léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié d'assassinat. Voilà la réalité objective telle qu'elle apparaît dans le Code pénal de 1961, ou du moins en vigueur en Haïti en 1961. Faites toujours votre devoir, ne courez pas, vous disiez soit la voix de Dieu, croyez d'espérance. Vous qui vivez dans la souffrance, faites toujours votre devoir, ne courez pas, vous disiez soit la voix de Dieu, croyez d'espérance. J'ai consulté un Ougan pour lui poser précisément cette question sur les zombies. Il m'a fait croire que ça ne suffit pas d'empoisonner quelqu'un. Ce n'est pas seulement une histoire chimique. Et il y a aussi des forces à dégager, des forces mystiques à dégager. Bon, là, c'est encore plus compliqué pour moi. C'est un envoûtement. Non, ça peut se faire à distance, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, il faudrait faire l'expérience, moi, de A à Z. Faut y croire, c'est-à-dire je vous connais, je vous tue et puis je vous fais revivre, puis je vous vois là, oui. C'est bien ouvert la porte grand, c'est bien ouvert la porte du paradis. C'est bien ouvert la porte, c'est bien ouvert la porte grand, c'est bien ouvert la porte du paradis. Combien de temps pouvait avoir duré ma syncope? Une heure? Deux? 5? Oh, je ne le saurais jamais. À mon réveil sous la terre, j'étais toujours dans le même état de pseudo-mort ou de pseudo-vie. Mes poumons parvenaient à respirer, L'air semblait se renouveler régulièrement dans le caisson. Quelque part dans ses parois, il y avait pour sûr un orifice d'aération, ou même plusieurs. J'ai ouvert les yeux dans une noirceur vide, une horreur privée d'espace et de temps, une obscurité absolument sauvage. Peu à peu, l'obscurité était devenue mon bien, ma propriété, ma seconde nature, autant que l'indomptable filet de conscience qui continuait à briller dans ma tête. J'étais incorporée au tissu même de la terre, sauvagement obscure, aux grains serrés et enténébrés du sol de Jacmel, vigile à la frontière des mondes animal, végétal, minéral. Il n'y avait rien à voir. Je ne pouvais qu'écouter. Je n'étais qu'écoute. Je m'écoutais m'éteindre dans la cage de bois enfouie à près de 2 mètres sous terre. Je m'écoutais mourir. J'étais perdue dans le vide stupéfiant. Adriana dans tous mes rêves. René de Pestre. La voix du zombie, elle change aussi. On dit qu'il a une voix nasillarde. Oui, oui, on dit. Il faudrait vérifier, on dit, oui, que le zombie parle avec son nez, même chante avec son nez. Pas seulement le zombie, on comprend pourquoi on peut dire cela, parce que quand on parle de Guédé ou de Baron Samedi, et c'était d'une communauté de fossoyeurs, pratiquement, et eux, ils parlent avec le nez. Ils chantent avec le nez, ils s'expriment avec cette voix nasillarde. Donc, comme ça parle de cimetière, ça parle de mort, et que les zombies ont... Là, j'improvise un peu, avant d'être zombie, on a dû mourir. Donc, il y a un lien, je pense. Vierge du Carmel, nous croyons en toi. Vierge du Carmel, nous t'y saluons. Vierge du Soudou, nous croyons. Vierge du Carmel, nous croyons en toi. Hélène Mijerel, vous êtes psychanalyste et auteure, entre autres, d'un livre, La migration des zombies aux éditions caribéennes, sur les survivances de la magie antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise, en France. Il s'agit donc de zombies, dans la migration des zombies différents de ceux d'Haïti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent ? Le zombie guadeloupéen ou martiniquais est un mort levé de sa tombe par un sorcier et envoyé pour hanter les maisons et les personnes. Alors que le zombie haïtien est un individu qui a ingéré un filtre à base de datura qui, dans un état de mort apparent, se trouve enterré. Et à ce moment-là, le boko, qui est le sorcier haïtien, vient le lever de sa tombe, l'oblige à vomir ce breuvage et le réduit en esclavage. C'est ça toute cette différence. Alors que le mort, l'individu mort aux Antilles, normalement, son âme devrait reposer en paix, puisque les gens ne vont pas aux enfers, les gens passent par le purgatoire avant d'aller au paradis. Mais on se rend compte que des individus payés par d'autres et à la demande d'un consultant peuvent accomplir des actes de sorcellerie et commander à ces morts d'aller hanter les personnes. Et alors que les morts chers sont toujours présents dans l'esprit des Antillais, ils leur sont proches, ils ont une peur horrible de la mort et des morts. Il existe des canaux de communication entre les vivants et les morts. Et quelque part aux Antilles, dans le discours des individus, on entend bien que les morts ne sont pas tout à fait morts, que les morts peuvent revenir. Et les morts qui reviennent de leur plein gré, qui ne sont pas à ce moment-là des zombies, qui sont un peu des revenants, ils ne viennent que pour reprocher aux vivants de ne pas avoir accompli le rite traditionnel qui leur permettrait ce passage des deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Par exemple, quand on a oublié la messe des morts après un décès, souvent il y a des phénomènes qui se produisent dans la maison, des bruits où le feu prend comme ça instantanément, comme pour rappeler aux vivants leur devoir envers ces morts. Et alors ces morts qui vont hanter les maisons, ils se manifestent comment ? D'abord, il y a les bruits. Ils empêchent aux habitants de cette maison de dormir. Alors, bris de vaisselle, libération de mauvaises odeurs. Les gens deviennent malades et la médecine officielle ne peut rien pour les soins. Ces esprits sèment la zizanie dans les ménages, dans les foyers. Ça peut aller jusqu'à un décès soudain ou subi d'un individu dans la maison. À ce moment-là, les gens font appel au prêtre pour un exorcisme. Alors, il y a en premier lieu ce passage du prêtre. Si les troubles perdurent, il y a à ce moment-là le gadeu de Zafé, ou alors le mentimenteur, comme on l'appelle en Guadeloupe, ou le quimboiseur, dénommé ainsi à la Martinique, qui vient dans la maison et qui chasse l'esprit ou les esprits, parce qu'il peut y avoir un homme ou une femme qui hante une maison, mais aussi toute une délégation d'esprit, ça peut aller jusqu'à 7. Et dans le cas de la délégation d'esprit, les choses sont très graves. Et quand rien ne marche à ce moment-là, aux Antilles, en principe, les gens trouvent toujours leur solution. Alors qu'en France, où le phénomène de hantise se perpétue, et à mon avis, il est beaucoup plus important sur le sol parisien que sur le sol antillais. En France, après le passage de l'exorciste, après le passage du gâteau de Zafé ou du quimboiseur, le mal-être persiste, les bruits aussi, et à ce moment-là, je reçois les gens en ultime recours. Souvent, ces individus sont envoyés par des psychiatres. Ils ont vu des psychiatres métropolitains ou antillais qui me connaissent et pensent que je pourrais leur apporter une solution. Ou alors, ils me sont envoyés par des prêtres à qui on vient demander des prières pour une aide. Ces individus me sont envoyés aussi par les travailleurs sociaux. À ce moment-là, je les prends en psychothérapie et on commence à faire un travail de grande envergure qui est assez douloureux. Et je n'ai pas la prétention thérapeutique de guérir. Mais moi, je dis que je me contente de soigner parce que l'individu ne guérit que si il le désire uniquement. Et comment est-ce que ça apparaît dans le discours en travail analytique cette présence des esprits, comment ils sont nommés, comment ils sont vécus? Alors, quand on aborde le problème, bien sûr, à la première consultation, les gens souvent font la confusion entre le psychanalyste et le guérisseur. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui, en prenant rendez-vous déjà avant la consultation et qui est hanté, aura du mal à m'exprimer certaines choses au téléphone parce qu'il pense que son persécuteur écoute et entend tout ce qu'il dit. Donc, à travers cette parole feutrée et méfiante, je dois déjà décoder le symptôme de l'individu qui m'appelle. Et souvent, certains individus raccrochent, refont le numéro pour s'assurer qu'il s'agit bien de moi. Alors, à la première consultation, souvent j'entends certaines personnes me dire, mais et il aurait peut-être fallu que je porte des bougies, que je porte des filtres, que j'achète des bains de feuillage. Et c'est à moi de présenter, de me présenter de façon acceptable afin de retenir l'individu, déjà pour une deuxième consultation, ensuite pour une troisième consultation, parce qu'il faut une séduction énorme pour retenir en psychothérapie des individus qui fonctionnent sur le mode de, du tout et du tout de suite. J'ai dû voir ma première cérémonie vaudou vers l'âge de 7-8 ans. Mais... C'était comment ? Eh bien, comment moi j'étais impressionné, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est très beau, ça peut être violent par moments. Et comment c'est beau parce que on voit des femmes en blanc arriver et puis il y a les vévés qui sont tracés par terre avec et de la poudre, du maïs, tout ça. Eh bien, les femmes qui dansent et puis du rythme violent parce que au moment du sacrifice, quand on doit tuer un coq, on voit cet animal et qui souffre et on plonge comme ça un couteau au niveau du cou, le sang qui gicle, c'est extraordinaire. Alors tout ça à base de rythme, du tempo, tac tac tac tac tac tac tac tac, on danse, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne construit pas un tambour de n'importe quelle manière en Haïti. L'arbre est planté et est choisi sur plusieurs années avec des prières, avec des libations, avec des cérémonies. Au bout d'un certain temps, on coupe ce tronc d'arbre, on le fait sécher avec d'autres cérémonies. On choisit aussi son ungenikon. Ungenikon, c'est un mot encore d'araméen qui veut dire tambouiller en Haïti, mais c'est celui qui a l'esprit quoi, du tambour. Donc le tambouiller est un initié aussi. Et dans la batterie radar, il y a trois tambours. Un maman tambour, un gros tambour qui est joué avec une main nue, donc la main gauche plus souvent, et une maillette, une petite maillette, donc main plus maillette. Et puis, deux autres tambours qui sont joués avec des baguettes. Donc, il n'y a pas beaucoup de main nue dans la batterie radar. Donc, le premier s'appelle, le gros maman tambour s'appelle maman tambour. Et le second tambour s'appelle second. Et puis il y a un tout petit qui s'appelle Boula. Boula. Avec ces trois tambours qui donnent la base, même qui donnent la base du chant, qui accompagne, qui rentre dans un dialogue quelquefois avec les fidèles, les onsi kanzo initiés. Ce sont les molécules du corps qui sont en vibration. Ce n'est plus intellectuel là. Ce dialogue rythme, sonorité, peau battue plus la danse, ça conduit à la transe au bout d'un certain temps. Dans mon enfance en Haïti, ce que vous appelez ici le 1er mai, la fête du travail, c'est la fête de l'arbre. Et je me rappelle, on chantait, les enfants chantaient dans les rues et à l'école, et une petite chanson qui disait « C'est pied-broie », c'est-à-dire c'est l'arbre qui nous donne à manger, l'arbre qui nous donne la vie. Oh, je vous signale que dans la tradition vaudou, précisément, un arbre est aussi une personne. Une personne, d'autant plus que dans le vaudou, un arbre, ça s'appelle un arbre reposoir, dans lequel habite un esprit du vaudou. Et de ce point de vue, l'arbre peut être animé. Et c'est un discours qui est dans un registre obscène, tout ce qui est obscénité en créole. Alors là, c'est le carnaval des mots obscènes. Vous pouvez le dire en créole ? Ah non. Ah là, je suis un peu gêné par rapport à ça. Ah, non, c'est pas des mots qu'on dit comme ça. Ça se fait pas. Et ça ne se fait pas. Non, je suis... quand même un problème, parce que quand un gars de Dzafé réussit et de moins en moins à enlever un zombie ou un esprit dans un appartement d'Antillien, le problème, c'est d'aller replacer ce zombie qui n'a pas sa tombe en France. C'est-à-dire que les zombies prennent l'avion et viennent rejoindre les Antillais en France, mais ils ne font pas le retour en sens inverse. Donc, souvent, je dis qu'il y a des zombies rôdeurs dans les carrefours à Paris et qu'il faut faire très attention à minuit de ne pas les rencontrer. Et ça, c'est Alors, dans les carrefours, il y a des endroits privilégiés. Oui, il y a des lieux magiques. Il y a des lieux magiques et les Antillais ont reconstitué des lieux magiques dans la migration en région parisienne, tellement il était important pour eux d'accomplir ces rites de pratique magique, donc qui sont des rites de soins et de guérison. Alors, nous avons un lieu magique très important pour les Antillais qui se trouve au Père Lachaise. C'est la tombe d'Alan Kardec. Alan Kardec étant le père du spiritisme français. Il y a des rites accomplis avec des fleurs. On pose et on prend. Le troisième jour, on passe dans une église. On dépose les fleurs prises sur le mausolée d'Alan Kardec. Et le dernier jour, la fleur prise sur le mausolée rentre dans la composition du bain de délivrance. Nous avons donc les chapelles et les églises qui sont aussi des lieux magiques où s'accomplissent des rites magico-religieux, c'est-à-dire que on y allume des cierges, quelquefois on glisse un parchemin où est inscrite une prière sous le cierge qui brûle. Et puis vous avez aussi les pas de porte, le seuil des maisons, qui est aussi un lieu magique où on peut y déposer des maléfices. Vous avez la mer et la rivière qui constituent aussi des lieux magiques. Et ces rites d'eau ont une très grande importance dans la magie antillaise, puisque souvent l'eau de mer, l'eau de rivière, l'eau de puits rentrent dans la composition du bain magique. Dès qu'on parle de cimetière, c'est une ambiance de diable, c'est pas une ambiance de guérison. Mais pourtant, il y a aussi guérison, par exemple. Quand on dit annoncez aux anges nom de l'eau, mago soumi, voilà, oui, là, oui. Annoncez aux anges nom de l'eau, mago soumi, voilà, oui, là, oui. Non, la ville au camp est criolement des changements. Donc, on parle de ville au camp, des anges qui se baignent, des anges, et même il y a des mots qu'on comprend pas. Eyou, marasa eyou, pa gen papa, marasa eyou. Qu'est-ce qu'on appelle les soukounians? Alors, le soukounian est un être surnaturel. Le soukounian est toujours une femme qui, au moyen d'une incantation maléfique, se dépouille, sa peau tombe. Elle envoie ses deux seins derrière le dos. Ses seins lui servent d'aile et elle s'envole dans les airs et elle va sucer les individus et les animaux. Quand un individu dépérit, souvent, il accuse le soukounian de l'avoir sucé, de le vider de son sang. Et malheureusement, j'ai rencontré trois cas de femmes, surtout, qui étaient victimes de soukounian en France. Alors, le soukounian aussi a migré. C'est un des seuls êtres surnaturels avec le zombie qui a migré. Et même une femme m'a affirmé avoir vu, elle habitait la banlieue lointaine, avoir vu sur le toit de sa voisine, en plein hiver, un soukounian qui la guettait. Alors on peut arrêter un soukounian, mais aux Antilles, alors c'est le quimboiseur ou le gars de Dzafé qui trace un cercle kabbalistique sous l'arbre où le soukounian vient se poser, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps d'envol. Il s'arrête d'arbre en arbre et surtout il se pose sur le fromager. Donc le quimboiseur trace un cercle kabbalistique. Il fait aussi des incantations. Et quand il fiche son sabre au milieu du cercle kabbalistique, à ce moment-là, le soukounian est obligé de descendre à l'intérieur de ce cercle kabbalistique et de demander grâce. Mais il y a une histoire de sel aussi avec les soukounians, c'est-à-dire si on dépose du sel sur leur peau, ça leur enlève leur pouvoir. Eh bien, ils ne peuvent plus réintégrer la peau. Et ces soukounians, ils ne redeviennent plus humains. Et souvent, moi, on m'a affirmé qu'il y avait des soukounians qui avaient été hospitalisés en psychiatrie. On les mettait dans des cellules où personne ne pouvait les voir et qui hurlaient comme ça. Ô nègre, toi seul avais le secret des zombies. Tu as sculpté un monde dans les ténèbres du refus. Quand le jour huait les derniers songes du colon, les muscles des esclaves brillant comme le soleil, dans un cruel effort saluaient en décousant la terre les replis magiques de la nuit et le foisonnement de vie sans racines. Quand le jour effaçait les cauchemars du colon, le travail engourdissait les zombies, ces hommes réels, sans espoir, baptisés dans la gêne. Le zombie est né des plantations de canne à sucre, de cacao et de coton. Il est né de ces voyages triangulaires qui partent d'Afrique en semençant d'ébène, les Indes et l'Amérique. Quand les pilotes rosés de Beaujolais et les généraux pétillants de Champagne s'enrichissaient aux Antilles, il était déjà né. Eh bien, Haïti allait sortir de la zombification, mais malheureusement, nous sommes dans une situation vraiment... Maintenant, c'est le pays qui est zombifié. Complètement, avec un métabolisme basal qui est diminué considérablement, il n'y a pas de vie, le pays ne respire pas. Et aux dernières nouvelles, il n'y a même pas de monnaie. La monnaie du pays, la gourde, n'existe plus. C'est-à-dire que le pays ne vit plus. Et je pense que le zombie n'est plus et ne sera plus un personnage uniquement haïtien. Le zombie, c'est peut-être l'avenir... d'une certaine manière, de beaucoup de communautés. Il y a peut-être plusieurs communautés qui sont condamnées à la zombification de façon plus ou moins rapide. La matinée des autres. Fantômes, zombies, soukounians. Par René Elkaïm Bollinger. Arrière-zombie. Éclairons par l'incendie de notre carapace le chemin phosphorescent d'un monde nouveau. Le corps de tous ces mots lassés de sentiments vultueux laisse transpirer sur toute l'Afrique un brouillard ensevelissant. L'éclaboussure des discours des maîtres du monde immobilise les noirs sur les boulevards radioactifs de la civilisation crispée et de la culture enfumée. Trop de zombies sont nés, des zombies incendiaires, des zombies coloniaux, des néo-zombies, des zombies protecteurs, des zombies atomiques, des zombies diamantaires, arrière-zombies. Jean Métellus, écrivain, psychiatre. Maxime Dumont, conteur. Gérald Bloncourt, écrivain. Gérard Aubourg, professeur. Solange Mambo. Barbara Prézot, plasticienne. Amos Coulange, musicologue. Texte lu par Sonia Emmanuel et Maxime Dumont. Enregistrement et mixage, Gérard Servet, Pierre Monteil. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 mai 1993. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur le site franceculture.fr.